Francisco Douimane. Bonjour à vous tous, nous sommes le 22 février 2020. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. Plus de 15 000 ménages, 1 700 unités industrielles seront connectées au réseau électrique quand les centrales Jijimouremgué seront fonctionnelles. Des délégations de donateurs viennent d'effectuer une mission d'évaluation de l'état d'avancement des travaux pour une semaine. On fera le point dans ce journal. Grogne des cultivateurs du marais de Nyamouswaga dans les communes Kirimba et Tangara en province Ngozi. Ils s'inscrivent en faux contre le projet Prodema qui a fermé ses portes avant de terminer l'aménagement de ce marais. Notre correspondant nous donnera les détails. Et la ville de Bujumbura abrite ce samedi la première édition du cyclisme pour les personnes vivant avec handicap. Le président de la Fédération burundaise de handicap de handisport fait savoir que cette compétition a été organisée dans le but de montrer que les personnes en situation de handicap sont capables de faire du sport. Et en actualité internationale, vers une mort en silence, c'est le titre d'un rapport alarmant d'Ensemble contre la peine de mort et de son partenaire congolais Culture pour la paix et la justice sur la situation des condamnés à mort en République démocratique du Congo. L'avocat Lievin Gondji de l'ONG Culture pour la paix et la justice qui a dirigé ce rapport est allé le présenter en France et espère que cela fera réagir dans ce pays. Et vous aurez droit à la revue de presse juste après ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Grogne des cultivateurs du marais de Nyamouswaga dans les communes Kirimba et Tangara en province Ngozi. Ils s'inscrivent en faux contre le projet Prodema qui a fermé ses portes avant de terminer l'aménagement de ce marais. Conséquence, certaines des parcelles sont emportées par des eaux et par les énormes pertes en termes de production. L'administrateur de cette commune ne veut pas s'exprimer sur cette question. Apollinaire Muzagara. Ce marais de Nyamouswaga de 275 hectares est achevé sur les communes Tangara et Kirem. Les craintes qu'avaient les agriculteurs de ce marais que le projet Prodema risquait de fermer ses portes avant la fin de l'aménagement de ce marais sont devenues une réalité. Un des exploitants déplore la destruction de ces trois parcelles. Des canaux d'irrigation bétonnés ont été tracés dans ces deux premières parcelles et la troisième non bétonnée a été emportée, infiltrée par des eaux, explique-t-il. Parmi les propriétaires de ces parcelles figurent des intellectuels qui affirment que l'aménagement de ce marais a été non seulement inachevé mais aussi mal fait. Ils parlent d'énormes pertes car selon eux, la production risicole qu'un type si un tel marais est correctement aménagé comme constaté dans ces environs. Ces citoyens demandent par conséquent l'intervention de toute autorité pouvant sauver cette situation. Cherchant à en savoir plus, nous avons trouvé les bureaux du Prodema Ngozi déjà fermés. Marguerite Mawonimana, administrateur de la commune de Tangara, n'a pas voulu en dire beaucoup. Elle indique seulement qu'elle n'est pas en mesure d'y remédier. Ngozi Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Et je venais de vous le dire, plus de 15 000 ménages, 1 700 unités industrielles seront connectées au réseau électrique quand les centrales Jijimouremgué seront fonctionnelles. Le taux d'électricité sera de 35 % en 2030 contre 10 à 15 % actuellement. Dans un communiqué sanctionnant une semaine de visite au Burundi par des délégations de la Banque européenne d'investissement, celle de l'Union européenne au Burundi en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des Mines, ainsi que celle de la Régie des eaux sur les deux centrales hydroélectriques, la mission visait l'évaluation de l'état d'avancement des travaux. Ce projet multidonateur sera financé à hauteur de plus de 270 millions de dollars. On fait le point avec Mireille Kanyangé. Selon ce communiqué de ce vendredi, la mission a rencontré toutes les parties prenantes du projet pour discuter en particulier des aspects de sauvegarde environnementale et sociale de l'état d'avancement des travaux. Ce projet hydroélectrique sous les rivières Jiji et Mouremgué est financé par différents donateurs à hauteur de 270,4 millions de dollars par l'État burundais à hauteur de 6%, l'Union européenne, la Banque européenne de développement et la Commission européenne à hauteur de 49%, la Banque mondiale à hauteur de 37% ainsi que la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 8%. C'est un projet, poursuit le communiqué, visant la réduction de la pauvreté à travers une augmentation significative de l'offre de l'énergie propre, respectueuse de l'environnement et à un coût abordable au Burundi. Ce projet sur les rivières Jiji et Mouremgué, lancé en septembre 2019, devrait être achevé début 2024. Le barrage hydroélectrique sur la rivière Jiji fournira 31,7 MW et la Mouremgué fournira 10 17 MW. Une fois terminée, constate la mission effectuée du 13 au 21 de ce mois, 15 000 nouveaux ménages, 7 000 commerces, 1 700 unités industrielles, 54 écoles et centres de santé et 150 ménages dans la zone immédiate des barrages seront connectés au réseau électrique. Les barrages hydroélectriques sur les rivières Djidji Murembwe contribuera à l'objectif de faire passer le taux d'accès à l'électricité actuel de 10 à 15% à 35% en 2030. Le projet sur les deux rivières vient en complément des autres projets hydroélectriques nationaux, à savoir Ruzibadi et Kabusese, et régionaux, à savoir Ruzizi 3 et Rusumo Falls, bénéfique pour le Burundi et financé par les mêmes bailleurs de fonds. Selon toujours ce communiqué de la délégation de l'Union européenne au Burundi, à travers l'Afrique, des millions de personnes sont affectées par le manque d'accès à l'électricité ou dépendent des générateurs diesel très coûteux et polluants. L'hydroélectricité est une source d'énergie renouvelable produite à grande échelle et à faible coût de production. Merci Mireille pour ce compte-rendu de lecture de ce communiqué. Et les femmes burundaises devraient s'adonner à tout métier qui puisse améliorer leurs conditions de vie, conseille Madame Claudine Nimbona, chauffeur au sein de la coopérative Ivyizigiro. Cette femme souligne que certaines femmes sont désintéressées par ce métier par peur des accidents ou dénigrement social. C'est un reportage d'Yvette Nijimbere. Claudine Nimbona, c'est une femme chauffeur au sein de la coopérative Ivyizigiro. Cette femme fait savoir que son métier lui est d'une importance capitale parce qu'elle parvient à compléter son mari. L'avantage, c'est que quand mon mari n'a pas les moyens et que moi j'ai eu quelque chose, je donne à mes enfants l'argent pour acheter de la nourriture. Dans mon métier, je me suis organisée. Lorsque j'étais motard, j'ai acheté un réfrigérateur et aujourd'hui j'ai en pâtisserie. Cette femme ajoute qu'il existe plusieurs raisons qui poussent les femmes à ne pas s'adonner à ce métier. Premièrement, les gens avaient peur que je me tue dans un accident. Ma mère avait peur parce qu'elle entendait les autres qui ont eu des accidents. Elle trouve que ce métier est dur au début, mais que petit à petit, elle s'habitue. Au cours des premiers mois, lorsque j'étais motard, les femmes avaient peur de monter sur ma moto, mais ça a été pour un peu de temps. Elles se sont habituées et aujourd'hui, elles me réclament. Claudine Nimbona interpelle aux femmes et filles à ne pas négliger un métier et changer de mentalité pour suivre l'évolution du monde. Moi, j'interpelle à toutes les femmes et filles de ne plus se sous-estimer car nous sommes capables. Le président de la coopérative Ivyizigiro, qui lui-même est chauffeur d'un taxi-voiture, se dit fier du travail accompli par Claudine. Elle conseille aux autres femmes de suivre son modèle. Que les femmes qui sont à la maison se mettent ensemble pour travailler parce qu'elles sont capables. Des fois, un foyer se bâtit à deux. Si le mari rentre sans rien dans sa poche et que la femme rentre avec quelque chose, vous voyez que cette journée se termine bien. Claudine Nimbona, mariée avec deux enfants qui avant été motards en mairie de Bujumbura, vient de passer 4 mois étant chauffeur d'un taxi-voiture. Yvette Nijimbere. Le taux d'accouchement dans les structures de soins de la province sanitaire de Karoussi devrait être amélioré. C'est en tout cas le souhait exprimé par les responsables de la santé dans cette province qui signalent que presque 25% de femmes enceintes ne se dirigent pas vers les structures de soins pour accouchement. Ils font savoir qu'ils organisent déjà depuis ce jeudi des réunions de sensibilisation en vue de faire face à cette situation. Blaise Pascal Kararoumié, correspondance. 190 femmes enceintes de la province sanitaire de Karoussi ont eu leurs accouchements à domicile au lieu de se rendre aux structures de soins de cette province. Cet effectif constitue presque un taux approchant 25% des femmes qui ont eu des grossesses lors de cette année 2019, comme cela se transparaît dans les statistiques présentées par les responsables de la santé. Ces dernières regrettent aussi que les femmes enceintes ne se rendent pas aux structures de santé pour leurs consultations prénatales et que même celles qui commencent les premières consultations, elles ne les poursuivent pas afin d'arriver à la 4e consultation prévue. Ces statistiques qui ont été présentées dans une réunion de ce jeudi de sensibilisation à cette fin, comme l'expliquent ces responsables sanitaires, ils font état de 6 000 femmes enceintes qui n'ont pas pu terminer terminer les consultations prénatales pour l'année 2019. Le médecin provincial explique que les consultations prénatales, appelées CPN, constituent une protection importante pour le fœtus et la mère. Il fait savoir que les accouchements assistés aux structures de santé et les consultations prénatales réduisent très fortement les cas de mortalité maternelle et infantile. Dans cette réunion organisée en collaboration avec l'ONG Memissa Belgique, le médecin provincial Dr Nzisabela Lewandas demande à tous les leaders de la communauté d'Okarusi d'aider pour le fonctionnement de deux ambulances qui aident pour l'accès aux structures de santé et que de là, les femmes en profiteront davantage. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Cap maintenant sur Makamba, lancement officiel ce vendredi au chef-lieu de la province Makamba des activités de la Fédération des associations œuvrant dans le secteur des métiers. Sylvestre Ndayikeje, président de la dite fédération au niveau national, indique que c'est dans le but de voir comment mettre en place un texte légal régissant les membres de cette fédération comme les autres employés, afin qu'ils puissent adhérer même à des sociétés d'assurance. Au niveau de l'administration, l'on signale être satisfait de ces activités, étant donné qu'il devient aisé et facile d'assister des employés reconnus par la loi. Jérôme Hakizimana. Lors de ces cérémonies de lancement officiel de ces activités, Sylvestre Ndayikeje, le représentant légal de cette fédération, a indiqué que les travailleurs du secteur manufacturier informel n'avaient pas depuis jadis la loi qui les régissait. Hazimana Gérard. Depuis qu'il y a eu la réorganisation du pays, les travailleurs du secteur manufacturier informel se sont mis ensemble jusqu'à créer les syndicats en 2014. C'était dans le but de pouvoir plaider pour l'honneur de leur secteur, afin qu'il y ait la loi les régissant qui, à son absence, tout ne peut pas aller bien. Le conseiller économique du gouverneur de la province Makamba salue la mise en place de cette fédération. Selon lui, il est facile d'assister aux employés reconnus par la loi, encore plus ayant l'adresse. Il trouve que ça pourra être une belle occasion pour ces travailleurs de pouvoir vanter leurs talents. Niyosaba Donavine, la représentante provinciale de la Commission nationale pour la protection sociale à Makamba, signale que même les travailleurs de ce secteur manufacturier informel sont eux aussi accessibles d'adhérer aux associations d'assurance comme les autres employés. Cette province Makamba fait la 13e dans laquelle œuvre cette fédération des travailleurs du secteur des métiers. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme. Du sport à présent, la ville de Bujumbura abrite ce samedi la première édition du cyclisme pour les personnes vivant avec handicap. Le président de la Fédération burundaise de handisport fait savoir que cette compétition a été organisée dans le but de montrer que les personnes en situation de handicap sont capables de faire du sport. Ejene Sabayezu recommande à ces personnes d'aimer le sport puisqu'il contribue à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. On l'écoute. Cette compétition, nous l'avons organisée dans le cadre de sensibiliser la communauté de la ville de Bujumbura sur le sport des personnes handicapées. On nous a déjà vu faire des compétitions, organiser des compétitions dans les disciplines de sitting volleyball, c'est le volleyball des personnes handicapées, dans les disciplines de goalball pour les personnes ayant des déficiences visuelles, des aveugles, ou dans d'autres disciplines comme le judo, le taekwondo. Aujourd'hui, nous avons voulu montrer que aussi on peut faire une compétition de tricycle. Dernièrement, vous avez vu que la Fédération de cyclisme a organisé des courses de cyclisme. On a voulu emboîter le pas à cette fédération pour montrer que les personnes handicapées et aussi peuvent faire la course de tricycle. C'est comme un vélo, c'est un vélo des personnes handicapées à trois roues. Donc aujourd'hui, ce n'était pas pour avoir des minima pour aller compétir au niveau régional ou international. C'était juste pour faire la sensibilisation. Et cette sensibilisation que nous avons organisée par cette course sur le thème « Courons pour l'inclusion et la cohésion sociale ». On veut que la communauté de la ville de Bujumbura comprenne que quand il voit une personne handicapée sur une tricycle, qui n'assimile pas cette tricycle à Emandia. Combien de personnes présentées dans cette compétition? Et auparavant, il y avait 40 personnes qui s'étaient fait inscrire, mais aujourd'hui, on a vu 27 hommes et 5 femmes qui ont pu compétir dans cette course. C'est la première édition. Est-ce que vous allez continuer à organiser telle compétition? C'est la première édition, mais nous souhaitons que chaque année, on aura à organiser cette compétition. C'était Eugène Nsabayezu, le président de la Fédération burundaise de handisport, au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Et ces élèves ont été blessés lors d'un accident de roulage survenu le soir de ce vendredi dans la zone Nyangé de la commune et province Makamba. Quatre parmi eux ont été grièvement blessés et bénéficient des soins à l'hôpital Makamba, comme l'affirme l'administrateur de la commune Makamba et un des membres de la délégation qui a accompagné ces élèves de la direction provinciale de l'éducation à Gitega pour participer à la phase finale du championnat interscolaire au niveau national qui se déroule au chef-lieu de la province du Makamba. Et en actualité internationale, vers une mort en silence, c'est le titre d'un rapport alarmant d'Ensemble contre la peine de mort et de son partenaire congolais Culture pour la paix et la justice sur la situation des condamnés à mort en République démocratique du Congo. Car les quelques 510 condamnés à mort recensés sont détenus dans des conditions désastreuses, pointe le document, et de nouvelles condamnations continuent à être prononcées dans les tribunaux. L'avocat Lievin Gondji de l'ONG Culture pour la paix et la justice, qui a dirigé ce rapport, l'a présenté en décembre à Kinshasa, mais n'a eu aucune réaction. Il est allé le présenter en France et espère que cela fera réagir dans son pays. Et le ministère nigérien de la Défense a annoncé vendredi 21 février hier avoir neutralisé 120 terroristes au cours d'une opération militaire conjointe lancée le 1er février par des éléments des forces armées nigériennes et de la force française Barkhane dans le sud-ouest du Niger. La région de Tillaberi est une vaste zone instable de près de 100 000 km² riveraine de la zone des trois frontières Niger, Burkina Faso et Mali. Et c'est dans cet espace que le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, ont décidé le 13 janvier dernier à Pau de se coordonner davantage et de concentrer leur action militaire en visant en priorité l'État islamique au Grand Sahara. Quelques 174 soldats y ont été tués en décembre et janvier dans trois attaques, dont celle de Chinegodar, 89 morts le 8 janvier, Inat, 71 morts, c'était le 10 décembre 2019, et c'est dans ce même secteur que des soldats américains avaient été tués dans une embuscade en 2017. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse après ce journal. Jean Bosco, Douiman. Revue de la presse. C'est la revue de presse que nous ouvrons par le secteur de l'éducation avec la voix de l'enseignant qui titre « La pauvreté des apprentissages en Afrique, le Burundi est parmi les pays plus touchés ». Selon une étude de la Banque mondiale, citée par ce journal, 86% des enfants âgés de 10 ans en Afrique subsaharienne ne savent pas lire et sont incapables de comprendre un texte simple, alors que la lecture est le pilier sur lequel repose toute autre compétence selon les résultats de cette étude. Dans ce rapport de la Banque mondiale et de l'UNESCO, édition 2018, sur le développement dans le monde, on montre que ce taux est de 52% dans les pays en développement, de 78% dans les pays pauvres, alors que dans les pays riches, il est de 8% seulement. Cet hebdomadaire de l'éducation révèle qu'au Burundi, les causes de la pauvreté des apprentissages trouvent leurs origines dans l'organisation du système éducatif burundais. Et à en croire un représentant du syndicat Conapes, cité par la voix de l'enseignant, la pauvreté des apprentissages peut avoir pour origine la formation initiale des enseignants ainsi que la gestion des classes pléthoriques. La Banque mondiale se donne l'objectif de réduire au moins de moitié le nombre d'enfants ne sachant pas lire en fin de cycle d'ici 2030. Ainsi, le groupe de la Banque mondiale se dote d'un nouvel objectif qui vise à réduire de moitié au moins le nombre d'enfants ne sachant pas lire à 10 ans. D'ici 2030, rapporte toujours la voix de l'enseignant qui interpelle la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation après thème forte dans l'éradication de cette pauvreté d'apprentissage. Éducation toujours avec l'hebdomadaire Iwachu qui évoque une gestion opaque des frais d'assurance et de sport dont se plaignent parents et responsables d'école, alors que les écoles publiques sont obligées de payer ces frais pour chaque élève. Mais en cas de besoin, regrette ce journal, les élèves ne sont pas pris en charge. Ce journal rapporte que le directeur provincial de l'enseignement en mairie, Patrice Toawonimana, rejette ces accusations, expliquant que concernant les frais d'assurance, il affirme qu'en cas d'accident, le directeur appelle la direction provinciale de l'enseignement pour s'informer de la maison d'assurance, mais que celle-ci change souvent sans autre détail. Sauf les directeurs paresseux, ils savent tous comment cela marche. Nous faisons des réunions régulièrement, lance-t-il, en faisant savoir que pour le moment, l'assureur est BIC. Revue de la presse. $76 millions pour faire face à l'invasion des criquets, rapporte Burundi Echo, qui précise que c'est le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui est en quête de financement pour lutter contre les criquets pèlerins qui sévissent dans la corne de l'Afrique, et que cette agence onusienne a déjà élevé $76 millions, dont une grande partie financera les opérations sur le terrain, notamment la pulvérisation directe des zones affectées. Ce journal rappelle que les principaux pays concernés sont ceux de la corne de l'Afrique, à savoir l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya. Ce dernier est le plus touché en ce moment parce qu'il a été envahi par de larges essaims de criquets à travers tout le pays. Ces invertébrés ont récemment conquis l'Ouganda, la Tanzanie et le Soudan du Sud. Burundi Echo souligne que le Burundi n'est pas jusque-là touché, mais les autorités ont déjà préconisé des mesures en cas d'invasion. Il reste à savoir si celles-ci parviendront à contenir des milliards de criquets, s'interroge notre confrère. Et d'après une source ministérielle citée par Burundi Echo, le Burundi a connu des invasions de criquets pèlerins dans le passé. La première invasion la plus dévastatrice a été observée sous le règne de Moïse Gisabo, tandis que la seconde est apparue autour des années 1986, rappelle notre confrère spécialisé dans les questions économiques et sociales. Et l'agence burundaise de presse nous apprend l'introduction par le gouvernement du Burundi à travers le ministère de l'Agriculture d'une nouvelle culture d'exportation et à plusieurs vertus, l'anacardier. D'après le directeur général de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, cité par l'ABP, l'anacardier est une culture qui joue un rôle important dans la protection de l'environnement par la protection du sol contre l'érosion et la restauration de la fertilité du sol. Avec son feuillage, une culture qui donne de la nourriture de différentes sortes comme les fruits, les amandes et les feuilles sont mangées comme des condiments. L'ABP ajoute que c'est également une culture pharmacopée utilisée dans la fabrication des médicaments et dont on peut également extraire de l'huile, etc. Notre confrère ajoute que l'anacardier s'adapte mieux dans les régions de basse altitude comme l'Imbo, la dépression du Kumoso et les dépressions du Nord, et que les semences s'achètent chez les agronomes communaux pour ceux qui voudraient planter l'anacardier dans leurs exploitations. Ainsi se termine ce journal des journaux présenté par Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. De la presse. Revue de la presse.